Du 22 au 24 juin, participe au week-end des régates de Saint-Félicien. Les régates, c'est 75 hydroplanes et des équipes de partout en Amérique. C'est aussi la soirée de démonstration de voitures de performance. C'est des spectacles à tous les soirs. Venez aussi en famille et profitez de la zone familiale avec jeux gonflables, clowns et maquillage pour enfants. Joins-toi aux 5000 visiteurs annuels et achète tes billets en ligne au régatesdesaintfélicien.com. On va parler de baseball avec notre ami Jacques Doucet. Salut Jacques. Salut Danny. Jacques, je veux te parler de l'article de Buster. On est sur ESPN cette semaine qui suggérait aux Blue Jays peut-être que ce serait le grand temps d'échanger J.J. Hatt et également Josh Donaldson. Donaldson, moi ce que j'ai vu, c'est qu'il reviendrait ce soir ou demain, là, quelque chose, c'est imminent son retour. Hatt fait bien quand même. Toi, c'est sûr que moins t'attends, plus tu vas avoir de quoi, hein? Oui, mais dans le cas de Donaldson, t'auras pas grand-chose. Non, c'est sûr, c'est sûr. Il est blessé, et puis ça fait 2 ans là, qu'il manque beaucoup de matchs. Il ne joue pas à la hauteur de son talent, alors à moins que tu le mettes dans une transaction avec plusieurs joueurs, là, ouais. T'iras pas chercher des joueurs de... C'est vraiment, je parle pas d'établi, là, mais de grandes promesses. Ouais, effectivement. Dans le cas de J-Hack, oui, ça c'est différent, surtout si c'est un lanceur gaucher. Mm. Alors, c'est évident que Hap lui-même dit qu'il aimerait peut-être terminer sa carrière à Toronto, mais il n'y a rien qui empêche les Blue Jays de l'échanger, puis ils disent, bon, ben à la fin de la saison, tu nous reviens comme joueur autonome. Alors, ça, c'est dans le domaine des possibilités, mais il reste encore... pas simplement de temps, et dans le moment, chez Blue Jays, eh bien, la seule note positive, c'est que les lanceurs partants lancent avec beaucoup d'aplomb depuis 5 jours. Oui, t'as eu Sanchez, t'as eu... parce qu'avant ça, c'était... Tout le monde, les 5 derniers partants. Girardeau, c'est toute une surprise, ça, c'est toute une surprise, lui qui a lancé 7 bonnes manches contre les Yankees mercredi soir. C'est un lanceur qui fait le travail, là, puis il était là, il était seulement pour une coupe de départ, parce qu'il avait des blessés, mais... C'est dur à la sortie de la rotation, hein? Sûrement, parce que, écoute, c'est une belle révélation, mais encore là, c'est seulement, quoi, 5 ou 6 matchs, alors faut pas sauter aux conclusions. OK. Jacques, Vladimir Guerrero Jr. a été blessé cette semaine. Il a été placé sur la liste des joueurs blessés pour 7 jours. Vlad, c'est tout un coup de bâton, mais beaucoup de gens disaient, il va falloir qu'il maigrisse éventuellement. Et je regarde ça, évidemment, t'as des gars comme Prince Fielder, t'as des gars comme Pablo Sandoval qui ont été gros plus tard. C'est sûr que quand t'es jeune, c'est pas grave, mais il vient un temps où que si tu veux poursuivre et continuer ta carrière, faut que tu te mettes vraiment à. Faut vraiment que tu te mettes au diapason, hein. Ben, mais il y a sûrement des techniciens là, qui s'occupent de ça, qui vont faire comprendre à Vladimir, mais il y en a. Certains joueurs dont le métabolisme, perdre du poids, c'est pas vraiment facile. Ouais. Et comme tu le dis, il a seulement 19 ans. Il a peut-être pas fini de grandir, alors au lieu d'élargir, il peut pousser. Oui, c'est sûr. Mais dans le cas de sa blessure, je ne comprends pas que les Blue Jays ne l'aient pas placé sur la liste des blessés à la suite de sa première blessure. Ça fait 2 fois là, dans la même semaine qu'il se blesse à la jambe. Mm. Et j'ai trouvé un petit peu osé la décision des Blue Jays de le retourner dans le feu de l'action immédiatement après qu'il s'est blessé à une jambe en arrivant au premier but au début de la semaine, puis là, c'est revenu encore avant-hier. Effectivement. Jacques, avant, pour terminer pour les Blue Jays, je regarde ça, cette semaine, je t'en parle parce que tu en as parlé à TVA Sports, ils ont repêché Brendan Conine, le fils de Jeff Conine, et tranquillement, pas vite, ils vont avoir toute une équipe d'étoiles, d'anciennes étoiles, hein, tu regardes ça, Bichette, Beau Bichette, qui est le fils à Dante, Biggio, qui fait bien, qui est le fils de Craig, t'as Vladimir, t'as là Conine, qui est un bon joueur également, puis t'as Brendan Grodzelanek, qui est le neveu de Mark Grodzelanek, donc ça commence à faire pas mal de... Hein? Il y a un fils de Roger Clemens. Oui, Kelly Clemens, Casey Clemens, qui est dans le A également. Hey, c'est puis c'est un gros frappeur gaucher. Tu regardes ça, ça va être il va y avoir certainement des anciennes étoiles au match des Blue Jays, ça continue même. Oui, mais encore là, tu sais, c'est pas tous des Vlad Junior ou encore des Biggio Junior, là. Ouais. Va falloir attendre, là. c'est encore... dans le cas de Biggio, il était un peu plus âgé. Je pense qu'il est rendu à 23 ou 24 ans. Ouais. Alors que les deux autres, Vladimir a 19 et Bichette a 20 ans. Alors, ils sont intéressants de suivre leur carrière. Mais le principal dans le moment, c'est que Vladimir guérisse. Ouais. Et que qu'on ne bouscule pas son ascension dans le baseball majeur. OK. Jacques, Clayton Kershaw a été placé sur la liste des joueurs blessés encore une fois. Il va être joueur autonome à la fin de la saison. Écoute, quand on voit le marché des joueurs autonomes qui a été difficile au cours de la dernière année, c'est des mauvaises nouvelles pour lui et Donaldson, hein? Ben, c'est des mauvaises nouvelles, sauf que dans le cas de Kershaw, il est dans une situation un peu unique, là, parce que lui, il y a une clause dans son contrat qui lui permet de rester avec les Dodgers. OK. Et qu'il y a, je pense, c'est 70 millions qui sont garantis. OK, OK. Alors, tu sais, je veux dire, lui, il a eu l'option que Donaldson n'a pas, parce que dans le contrat de Kershaw, il y avait une clause échappatoire qui arrive à la fin de la saison 2018, dans laquelle il peut se prévaloir de son autonomie, mais il a en même temps l'option de rester avec les Dodgers. Alors, il n'est pas dans une situation aussi précaire que celle de George Donaldson. OK. En terminant, Jacques, on peut parler du retour en force des Dodgers, des Nationals également, des Giants. Donc, ça va rendre encore l'Ouest de la Nationale très, très intéressante et l'Est de la Nationale. Parce que les Braves, moi, j'ai su beaucoup parce que c'est une équipe que moi, j'ai le forfait de tous les matchs de baseball. Et je peux te dire que c'est une belle équipe à avoir joué. Là. Puis donc, ça va être intéressant à la fin de la saison. Là. Oui, mais je pense qu'il leur manque quelques petits morceaux, mais je suis persuadé que du côté des Braves, Alexandropoulos va agir en conséquence. Ouais. Chez les Blue Jays, ce n'est pas la même situation. Ils n'ont pas les mêmes moyens. Alors, parce que tu regardes l'équipe sur le terrain, puis tu te dis, ben écoute, ça vaut-tu la peine d'aller chercher des renforts, alors qu'on est déjà, je sais pas moi, 17 matchs la tête, là. Ouais. Alors, faut être plus patient, faut réévaluer son plan de match. Est-ce que les Blue Jays vont dire à la fin de la saison, bon, c'est l'année prochaine, en 2019, qu'on amorce la reconstruction de l'équipe, si on va simplement changer quelques petits morceaux pour dire, attendre, on va attendre à 2020. Ouais. Alors, on va laisser le cours des choses faire son œuvre, puis après, on va voir quelles décisions ils vont prendre. Okay. Jacques, un gros merci, on s'en reparle d'une couple de semaines. Salut, à la prochaine. Collaborateur Jacques Doucet.